50 languages. 7 7 7 الأعداد chiffres chiffres أنا أعد je compte je compte واحد اثنان ثلاثة un deux trois un deux trois أنا أعد حتى ثلاثة je compte jusqu'à trois je compte jusqu'à trois أنا أتابع العد je compte de nouveau je compte de nouveau. أربعة، خمسة، ستة. Quatre, cinq, six. Quatre, cinq, six. سبعة، ثمانية، تسعة. Sept, huit, neuf. Sept, huit, neuf. أنا أعد. Je compte. Je compte. أنت تعد. أنت تعدين. Tu comptes. Tu comptes. هو يعد. Il compte. Il compte. واحد الأول. Un. Le premier. Un. Le premier. اثنان. الثاني. Deux. Le deuxième. Deux. Le deuxième. ثلاثة. الثالث. Trois. Le troisième. Trois. Le troisième. أربعة. الرابع. Quatre. Le quatrième. Quatre. Le quatrième. خمسة. الخامس. Cinq. Le cinquième. Cinq. Le cinquième. ستة. السادس. Six. Le sixième. Six. Le sixième. سبعة. السابع. Sept. Le septième. Sept. Le septième. ثمانية. الثامن. Huit. Le huitième. Huit. Le huitième. تسعة. التاسع. Neuf. Le neuvième. Neuf. Le neuvième. يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.